Fabrique de la guerre froide, fabrique de la République, fabrique de la légende napoléonienne. Au cinéma, ce lundi, nous serons dans le processus qui a préparé notre contemporain. Première partie, nous aurons le plaisir de recevoir l'historien Nicolas Rousselier qui publie en cette rentrée une somme, la force de gouverner le pouvoir exécutif en France, 19e, 21e siècle chez Gallimard. Et que nous raconte-t-il avec précision et bien comment la question du pouvoir exécutif en France a évolué radicalement entre le milieu du 19e siècle et aujourd'hui. Puis en deuxième partie, nous recevrons depuis les studios de nos amis de la radio suisse romande à Lausanne, Hervé Dumont, qui vient de publier lui une somme sur les films et en particulier les incarnations de Napoléon au cinéma. Napoléon, l'épopée en 1000 films, une façon pour nous d'entrer dans notre thème de la semaine, comment le public s'empare-t-il de l'histoire. Mais tout de suite, comme chaque lundi, un nouvel épisode de notre feuilleton, La Fabrique de la Guerre Froide, signé Anaïs Quien et Séverine Cassard. Cette semaine, aujourd'hui, Pierre Grosser, historien, commente une archive sur les États-Unis et les droits d'exploitation des océans. C'était en 1947. We must remember that Australia, New Zealand and Canada. President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs se partagent le monde en zones d'influence. Les hommes, les partis, les territoires, sans oublier les ressources naturelles. Madeleine Blomet soulève cette question à la radio le 12 juin 1947. Le lieutenant de vaisseau Jacques-Yves Cousteau vient de donner à Paris deux conférences sur l'alpinisme sous-marin. Il y a une chose qui est très peu connue en France, c'est qu'en octobre dernier, les États-Unis ont annexé par décret un territoire de plus d'1 800 000 km², c'est-à-dire plus de 4 fois la superficie de la France. Et c'est un événement d'une portée considérable, mais qui a laissé complètement indifférente l'opinion publique, parce que les terres annexées ne sont que le fond de l'océan et que tout le monde se moque du fond de l'océan. Pourtant, les richesses sous-marines, qui ne sont pas devenues pour nous des réalités tangibles, le sont devenus pour les Américains qui comptent organiser sur une très vaste échelle l'exploitation du fond de la mer, jusqu'aux profondeurs de 182 mètres de fond. Mais qu'entendez-vous par exploitation du fond de la mer? Est-ce qu'elle contient réellement des richesses utilisables? Certainement. Dans la proclamation qui accompagne le décret, le président des États-Unis justifie l'annexion de ces territoires, ou plus exactement de cette bordure maritime, par la nécessité d'assurer les ressources de pétrole du pays. C'est l'équivalent du ministère de l'Intérieur américain qui, à partir de 1943, Pierre Grosser commence à envoyer, à faire monter des textes à Roosevelt en disant ça serait peut-être bien de pouvoir utiliser le pétrole qu'on pense être présent, notamment dans le golfe de Mississippi, ce qu'on appelle le pétrole offshore. Pour aller vite, en 1938, en gros, la technique est au point. Et en fait, la première exploitation sous-marine, et donc les premiers puits de ce type-là, ça sera 1947. Donc on est technologiquement dans un moment important. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'interrogations aux États-Unis sur ce pétrole. C'est-à-dire qu'une grande partie du pétrole dans le monde, et surtout en Europe de l'Ouest, c'était du pétrole américain. Or, un des grands tournants en termes de géopolitique pétrolière, pour parler très très vite, c'est que les Américains gardent leur pétrole après 1945, donc se concentrent sur leurs ressources, soit pour les exploiter, soit pour les conserver. D'ailleurs, dans le texte de Truman en septembre 1945, il parle vraiment très clairement de conservation. Et le pétrole, pour redresser l'Europe de l'Ouest et pour redresser le Japon, on va le chercher où? Au Moyen-Orient. Et donc, le Moyen-Orient devient très important pour la géopolitique américaine, pour que ces deux régions industrielles absolument fondamentales pour les équilibres globaux et pour l'alliance évidemment américaine puissent se redresser. On peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu peut-être de réaction internationale. En droit de la mer, la grande question qui était posée, c'était l'appropriation, j'allais dire, horizontale des mers. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on peut appeler la surface des mers. Et donc, il y avait eu un débat depuis, en gros, le XVIe ou le XVIIe siècle pour savoir si la mer était à tout le monde ou s'il fallait se la partager. Et en gros, ce qui a plutôt triomphé, c'était la liberté des mers, sauf pour des espaces assez proches des côtes, en gros l'équivalent de la portée d'un canon de l'époque, c'est-à-dire en gros 3 miles marins. Certains pays étant allés jusqu'à 6 ou à 9, mais enfin bon, des choses assez limitées. Donc on ne s'occupait absolument pas de ce qu'il y avait en dessous. Et puis ce qui est évidemment le grand moment, c'est cette déclaration de Truman en septembre 1945, qui est finalement d'une certaine façon extrêmement honnête, puisque pour la première fois, non seulement quelqu'un revendique ce qui va devenir le plateau continental, et d'autre part, un État explique pourquoi. C'est-à-dire, c'est très clairement pour exploiter les ressources. Donc c'est effectivement une révolution dans le droit de la mer, qui effectivement n'a pas provoqué énormément de réactions ensuite. En fait, Roosevelt avait tout de suite dit qu'il fallait consulter d'autres pays avant de faire ce type d'acte. Et Truman a consulté 4 pays, le Canada, le Mexique, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Donc les voisins et les deux autres grandes puissances. Mais en fait, c'était une consultation en leur disant en gros ce qu'il allait faire. C'était pas qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord. Et en gros, la plupart de ces pays-là, enfin surtout l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, étaient occupés par bien d'autres choses que la question du plateau continental. Hein, on était en train de finir la guerre, il fallait se reconstruire, enfin voilà. Donc il n'y a pas eu de réaction de ce type-là. En revanche, en Amérique latine, de façon totalement anarchique, tout le monde a commencé à vouloir revendiquer le plateau continental. Ou en tout cas une partie des fonds marins adjacents au territoire national étatique. Et donc, il y a eu, dans le cadre des Nations Unies, une première convention en 1956 sur le plateau continental, où on définit ce qu'est le plateau continental, et on l'a défini de façon finalement relativement restrictive, puisque c'était à peu près 200 miles vers le large, et en profondeur bien entendu. Et puis, tout ça n'a pas été totalement convaincant, et en fait, le droit de la mer est quand même fondé sur cette gigantesque conférence qui a eu lieu à partir de 1970 et qui est terminée par la fameuse convention de Montego Bay de 1982, où on fixe définitivement ce qu'est le plateau continental, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qui va jusqu'aux eaux profondes, et ça appartient au territoire adjacent. Et ce qui est très frappant, et les juristes disent que la coutume sur les fonds sous-marins a changé par une déclaration unilatérale, sans énormément de réactions, et finalement, c'est une mutation majeure qui s'est passée sans douleur. Voilà ce nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, concocté par Anaïs Quien et Séverine Cassard. Vous pouvez bien entendu le télécharger séparément des autres émissions de La Fabrique de l'Histoire, et en particulier de celle du lundi, pour garder avec vous l'ensemble de cette Fabrique de la Guerre Froide commencée au tout début du mois de septembre. Bonjour Nicolas Rosselier. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette somme, je l'ai dit en ouverture, que vous venez de publier chez Gallimard, dans la collection NRFSC, La Force de Gouverner, le pouvoir exécutif en France entre le 19e et le 21e siècle. Alors, on vous avait laissé pour un ouvrage où vous étiez le seul auteur, il y a quand même une petite quinzaine d'années. Entre-temps, vous avez fait beaucoup de contributions dans des ouvrages collectifs qui travaillaient sur le Parlement de l'éloquence, c'est-à-dire sur le Parlement issu de la Première Guerre mondiale. Et là, vous avez décidé de donner beaucoup plus d'ampleur à votre travail sur les forces politiques en France en remontant au tout début du 19e siècle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans une telle entreprise qui est gigantesque, puisque vous avez, je ne dirais pas tout lu, puisqu'on ne lit jamais tout, mais beaucoup lu pour préparer cette force de gouverner, Nicolas Rousselier? Le lien logique est assez facile parce que j'avais travaillé effectivement il y a presque 15 ans sur le Parlement. C'était une manière de redécouvrir le rôle du Parlement à l'époque de la Troisième République, d'en donner aussi peut-être une image moins caricaturale que ce que l'on peut trouver dans beaucoup d'ouvrages. Et donc ensuite, ce qui m'intéressait, c'était de voir pourquoi ce parlementarisme, qui a été fort à sa manière, à un certain moment donné, efficace aussi, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, comment donc ce Parlement avait été ensuite transformé, subverti de l'intérieur, par une force d'abord souterraine, qui ensuite s'est trouvé apparaître au grand jour et qui est justement un exécutif. Mais derrière le mot exécutif, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de définitions. Et ce que moi j'ai essayé de faire, c'est justement de pas donner une définition unique à la manière un peu des juristes, mais de voir cela comme un phénomène historique de longue haleine. Et en fait, la montée de l'exécutif précède par exemple largement 1958 et le texte de la Constitution. Donc ce qui était intéressant, c'était faire vraiment ce que finalement on fait peu, c'était de faire une histoire avec des objets juridiques Donc je suis un petit peu du côté des juristes, mais je suis d'abord avant tout du côté des historiens. Je raconte une histoire. Oui, vous racontez des histoires et c'est très chatoyant comme façon de raconter cette histoire. Alors quand on voit ce livre de plus de 600 pages apparaître, on se dit « Ouh là, est-ce que je vais réussir à rentrer dedans ?» Et oui, on entre très bien dedans parce que vous nous racontez à chaque fois les atermoiements, pourrait-on dire, de tous ceux qui font la politique en France, surtout à partir du Second Empire, et les hésitations des républicains face justement à cette possibilité d'un pouvoir exécutif plus ou moins fort dans la France du 19e siècle. Il y a évidemment beaucoup de craintes, des craintes qui sont dues à celui dont on parlera en deuxième partie de cette émission, à savoir Napoléon et également Napoléon III, à la crainte que, effectivement, eh bien, un individu ne capte la totalité du pouvoir pour lui et donc mette le peuple sur le côté, Nicolas Rousselier. Oui, ce que je n'ai pas voulu faire, parce que ça aurait été un peu trop peut-être scolaire, je ne voulais pas faire une histoire de l'exécutif à travers chacun des régimes que la France a connus depuis la Révolution. Donc j'ai centré sur la problématique, en fait, qu'est-ce que les républicains ont fait avec ce problème de l'exécutif. C'est un problème pour eux. Voilà, c'est une espèce de patate chaude, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment le limiter, on le pense collégial, par exemple, au lieu de le penser comme personnel, c'est-à-dire entre les mains d'un président unique, on le pense collégial, on veut le diminuer, on veut le contrôler. Et puis finalement, ce grand projet républicain qui apparaît au milieu du 19e siècle, d'une république, le gouvernement du peuple par lui-même, comme on disait, s'installe, développe le Parlement, mais laisse aussi, en fait, des bombes à retardement derrière lui. Plusieurs, par exemple, le rôle de l'administration, mais aussi la relation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Qui n'est pas réglée, qui est restée en suspens jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis, l'autre chose que j'ai examinée dans le livre, c'est aussi le fait que les républicains avaient pensé le pouvoir comme collégial. Finalement, pour des raisons en partie de circonstances, ils acceptent un président de la République. Mmh. Oui, c'est vrai, comme on le sait, ce président de la République, on réduit beaucoup ses pouvoirs effectifs, ses pouvoirs dans le pouvoir de décision. Mais au fond, on garde quand même la figure personnelle. Donc une figuration qui va jouer ensuite à l'échelle de la nation. Parce que ce président... Il va faire beaucoup de voyages. Voilà. Et puis il va beaucoup se balader sur le territoire et avec très peu de moyens. C'est d'ailleurs très amusant ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'un Élysée à qui on a coupé les ailes au point de vue financier, au départ je crois 4 collaborateurs, une dizaine jusqu'en 1914, donc ça n'est pas l'Élysée qu'on connaît aujourd'hui, qui tout de même va se débrouiller en faisant miroiter aux compagnies du chemin de fer que c'était à elles de payer les trains présidentiels, et qui va se débrouiller en faisant payer au ministère de la guerre l'escorte qui va accompagner le président de la République, ce qui fait que malgré un tout petit nombre de collaborateurs, eh bien le président de la République, qu'on a voulu amputer de ses pouvoirs, finit par devenir une figure de la République qui va aller dans toutes les provinces et toutes les régions de France, Nicolas Rousselier. Oui, et pendant une longue période, on peut même dire que c'est la seule figure de la République. C'est-à-dire qu'il a paradoxalement quand même le monopole de la figuration politique dans la nation. Et finalement, il concurrence de cette manière-là les présidents du Conseil qui, eux, sont sur un siège éjectable, changent une fois par an. Et à part, bien sûr, quelques exceptions comme Clémenceau, la population ne peut pas mettre un nom sur, finalement, la politique. Tandis que le nom du président, la figure du président, elle est connue. Et elle ne peut pas, la population, bien que très nombreuse, applaudir le président de la République. Racontez-nous ces débats pour faire en sorte qu'au bout du compte, le président de la République arrive dans une ville, ça ne soit pas lui en tant que personne qu'on applaudisse. Oui, ça m'a beaucoup intéressé à étudier dans les archives présidentielles, de voir que, contrairement à ce que l'on peut croire, il n'y a pas une continuité en réalité avec les voyages que faisait Napoléon III, avec l'impératrice Eugénie. On a longtemps cru. Oui, ou les voyages, on peut remonter à la monarchie. En fait, ils vont faire des voyages, mais ils vont être très attentifs à associer le voyage à un protocole qu'on peut appeler républicain, dans le sens qu'il va souligner l'aspect collégial du voyage. Le président voyage toujours avec un ministre, parfois le président du conseil, entouré des députés du coin. Et tout est fait, le banquet, le plan de table. Pour qu'il ne soit pas tout seul. Qu'il ne soit jamais tout seul, jamais en majesté. Vraiment, au sens propre du mot, au sens concret du mot. Il n'est jamais mis en majesté. Même, par exemple, une anecdote, d'après ce que je peux comprendre, il n'avait même pas le droit, par exemple, de se lever se mettre debout pour saluer la foule. Oui. Par contre, j'ai vu des archives de l'INA, et ça, c'est un indice intéressant. Auriol, en 47, dans ses premiers voyages, il ose, c'est pas extraordinaire, mais quand même, c'est un point intéressant, il ose se mettre debout pour saluer la foule. Donc là, il y a un changement. En fait, ça évolue, c'est-à-dire que c'est pas du tout fixiste. Et ces voyages permettent d'évoluer et permettent de changer. Vous parliez de l'Élysée comme une toute petite entreprise, c'est vrai, mais malgré tout, ces voyages vont quand même développer la petite machine de l'Élysée. Et finalement, en 1947 avec Auriol, on est passé à une autre étape. C'est-à-dire que là, on n'a pas 4 ou 5, on a une vingtaine de collaborateurs très spécialisés. Et donc, on a une vraie équipe politique. Mais celui qui... vous avez beaucoup de figures qui sont très intéressantes. La figure, évidemment, de Gambetta, celle de Jules Ferry, celle de Clémenceau, mais aussi celle de Poincaré, par exemple. Vous nous dites que Poincaré, en 1913, est le premier à considérer, peut-être de façon très intelligente, qu'il y a là un poste à saisir. Il était président du Conseil. Mmh. Il démissionne de ce... Enfin, il disparaît de ce poste de président du Conseil. Il était même ministre des Affaires étrangères en même temps. Et il va quérir la place de président de la République juste avant la Première Guerre mondiale. Ça tombe bien pour lui parce que, évidemment, cette Première Guerre mondiale va donner des pouvoirs supplémentaires, ou plutôt, le président de la République va s'accorder des pouvoirs supplémentaires à la faveur de la Première Guerre mondiale, Nicolas Rousselier. Exactement. En fait, Poincaré, on peut le dire rapidement, c'est la première personnalité qui n'est pas un second couteau à être élu président de la République. Ça, c'est un premier changement important. Mais ce que j'essaye de montrer dans le livre, et ce qui me semble, j'espère, intéressant, c'est à travers l'analyse de Poincaré, on voit aussi ce que c'est que le pouvoir. Parce qu'en réalité, il ne va pas s'accaparer des pouvoirs au sens juridique, des pouvoirs nouveaux. Il ne crée rien. Il va essayer de tordre les coutumes qui jusqu'alors étaient défavorables. Il va récupérer du pouvoir de nomination, par exemple. Où il va se débrouiller pour écarter des gens qui ne lui plaisent pas dans les ministères. Donc vous dites quand même qu'à faveur en 1915, il va commencer à avoir un petit peu plus pouvoir. Mais ce que j'étudie, c'est vraiment une sorte d'anatomie interne du pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit comment ça fonctionne. Par exemple, Poincaré réussit très bien à développer son pouvoir d'information, le fait d'être informé. Ah oui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce ce que vous expliquez, c'est que les premiers présidents de la République, de la Troisième République, donc ils n'ont ni aucune information venant du ministère de la Guerre, ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère des Affaires étrangères. Ça ne doit pas être très facile, effectivement, de faire une politique, si on veut en faire une, avec aucune information, en l'occurrence. Exactement. Donc, en fait, quand on vous regarde les choses de manière concrète, on voit que cette histoire d'information est essentielle. Et Poincaré, il réussit à avoir des informateurs du côté militaire. Il se déplace, il va sur le front. On connaît tous les voyages de Clémenceau dans les tranchées. Mais c'est Poincaré qui a commencé, sans demander l'avis du Conseil des ministres. Donc, il a toute une série d'informations. Et quand il se promène sur le front, il va voir les généraux. Et auprès de chaque général, il obtient des opinions critiques. Des opinions qui critiquent, en fait, le choix de l'état-major. C'est-à-dire le choix du généralissime Joffre. Comme ça, il se constitue une sorte de matériau critique qu'il peut utiliser dans le Conseil des ministres ou qu'il peut utiliser dans les rendez-vous qu'il peut avoir avec Joffre en direct. Donc, en fait, il joue un rôle comme ça, très, très intéressant. Ça devient un maillon. Il devient, pour la première fois, un maillon du processus de décision. Il n'est pas décisionnel au sens d'avoir la décision finale, comme ce serait le cas aujourd'hui, mais en tout cas, il devient un maillon. On est très loin quand même de ce que veulent faire les républicains aux alentours de 1875 et que vous expliquez bien dans votre livre La force de gouverner, Nicolas Rousselier, c'est-à-dire limiter, tempérer, peut-être même faire mettre en place une sorte de révocabilité permanente des hommes politiques. Et en fait, vous nous expliquez que c'est devant, disons, l'épreuve des faits, pourrait-on dire, que ces républicains changent d'avis. Et vous citez Ferry, vous citez même Gambetta, vous citez également Jaurès, qui, les uns ou les autres, se disent tout compte fait, cette idée qu'on a eue tout au long du 19e siècle en tant que républicain, qu'il fallait justement que personne ne s'installe dans un exécutif fort, bien, c'est peut-être pas une très bonne idée quand on voit ce qu'il faut faire tous les jours quand on est au gouvernement. Oui, exactement. Il y a la mise en place d'une véritable culture politique, effectivement fondée sur cette notion de révocabilité qu'aujourd'hui on trouve un peu hallucinante parce qu'on n'imaginerait pas changer tous les 6 mois de chef de gouvernement. Il y a à nouveau des gens dans la société française qui pensent à la question de la révocabilité des élus, par exemple. Oui, absolument. C'est à nouveau à l'ordre du jour. C'est ça, mais pour le grand public, cette idée qu'on peut révoquer, par exemple, tous les 6 mois un Premier ministre pourrait paraître aujourd'hui hallucinante. En réalité, c'est un principe républicain très ancien. On peut le retrouver dans des républiques, des cités républiques du Moyen-Âge italiennes. C'est un vrai principe républicain. Alors c'est vrai qu'après, à l'usage, vous avez une série de figures politiques qui se rendent compte que c'est peut-être difficilement praticable. Mais en même temps, si on prend le cas de Jaurès, c'est juste une sorte de fenêtre de tir. Oui. Pendant juste 2 ou 3 ans, on a un Jaurès constitutionnaliste, c'est-à-dire qui pense le problème de l'exécutif. Et puis après, ça s'arrête. Oui, parce qu'auparavant, être républicain, ça voulait surtout dire au 19e siècle ne pas être constitutionnaliste, parce que c'était une vision des libéraux, et ces libéraux encadraient d'une certaine façon le pouvoir du peuple. Or, il fallait, quand on était républicain, surtout sous le régime du Second Empire, par exemple, il fallait au contraire dire que le pouvoir du peuple devait être immense et ne pas être encadré, Nicolas Rousselier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les Républicains pensent le pouvoir du peuple comme ne devant pas être opposé à des barrières, à des limites, à un encadrement, alors qu'effectivement, toute la tradition constitutionnelle, elle vient plutôt du libéralisme. Pour prendre un exemple concret, les libéraux pensent la seconde chambre, l'existence d'une seconde chambre, comme un moyen, effectivement, de compenser ou d'amadouer, de rendre plus modéré le processus de fabrication des lois. Tout ne doit pas être dans une seule assemblée. Tandis que les Républicains pensent une assemblée unique pendant très longtemps, parce que l'assemblée unique, c'est celle qui est, c'est la représentation nationale, et elle doit permettre ce flux qui vient du peuple et qui doit ensuite se transmettre sans obstacle, sans barrière, qui doit se transmettre au gouvernement. Vous avez un chapitre absolument passionnant sur la question de la séparation de l'Église et de l'État, parce que vous dites combien de temps il a fallu, un an et demi, pour pouvoir concocter cette séparation de l'Église et de l'État, mais aussi vous analysez les conséquences qu'on ne va généralement pas voir. On pense que à partir de décembre 1905, tout est réglé, c'est fini. Or, vous vous dites non, ça n'est pas fini, parce qu'après, il faut appliquer ces lois de séparation de l'Église et de l'État, et que à cette occasion-là, eh bien, une force particulière, la force administrative, va montrer ses qualités et donc dire à celui ou à ceux qui sont au pouvoir exécutif que il n'y a pas que la loi, mais il y a aussi l'application ou les applications de la loi, Nicolas Rousselier. Oui, ça m'a beaucoup amusé de faire ce travail sur la loi de 1905, parce qu'elle est souvent une référence encore jusqu'à aujourd'hui. Et on pense qu'en gros, c'est une loi qui est gravée dans le marbre, qui a été tout de suite et d'emblée appliquée. Or, moi, dans ma problématique, ça m'a servi en fait à deux visages. C'est-à-dire, le premier visage, on voyait que c'est une loi vraiment de fabrication parlementaire. Autrement dit, le gouvernement de l'époque, Combes, n'a pas joué un rôle, c'était presque marginal. Donc c'est vraiment les parlementaires qui ont trouvé des diagonales entre plusieurs groupes politiques pour fabriquer la loi, mais vraiment au sens tisser la loi, réussir à la voter en décembre 1905. Puis après, j'avais un deuxième volet, le service après-vente, on peut dire. Et alors là, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est pas du tout la force du Parlement, l'idéal républicain qui l'emporte, c'est au contraire une force de l'exécutif qui n'est pas encore trop visible, parce qu'il n'y a pas un présidentialisme, mais une force de l'exécutif qui est administrative. Qui s'appuie sur l'administration. Voilà. Quand les catholiques refusent l'application de la loi, quand il y a la crise des inventaires, tous ces problèmes d'application, c'est l'exécutif qui a les moyens, notamment à travers le Conseil d'État, un rôle essentiel, c'est l'exécutif qui a les moyens de bricoler des arrangements administratifs pour qu'il y ait quand même, qu'on continue à faire des messes, même si en fait on n'a pas encore créé les associations culturelles, etc. Enfin, j'en parle dans le détail, mais en tout cas, l'exécutif prend sa revanche, d'une certaine manière, sur les déficiences de la loi. Et ça, c'est un grand classique qui commence au début du XXe et qui ensuite s'accentue. Quand il y a des déficiences de la loi, c'est l'exécutif qui prend le relais. Et vous insistez aussi beaucoup sur le rôle des guerres, les deux guerres mondiales en particulier, pour pouvoir, et puis évidemment la guerre d'Algérie et les guerres coloniales aussi, pour pouvoir justement donner de plus en plus de poids à cet exécutif tout au long du XXe siècle, là où on avait voulu le restreindre, le poids de cet exécutif, Nicolas Rousselier. Oui, alors le rôle de la guerre est évidemment essentiel, mais dans le cadre par exemple de la Troisième République avec la Première Guerre mondiale, c'est un phénomène assez paradoxal, c'est-à-dire que le pouvoir civil pendant la Première Guerre mondiale, puisque la guerre dure beaucoup plus longtemps que prévu, le pouvoir civil est amené, mais presque son gré, c'est-à-dire les républicains du gouvernement sont presque amenés à devoir jouer de plus en plus un rôle de contrôle de l'état-major et à prendre en fait les rênes de la guerre, prendre en main même le fait de contrôler les fameuses offensives meurtrières de 1915 à 1917. Donc on a un pouvoir civil qui mute en quelque sorte, qui opère une mutation pour devenir un pouvoir politico-militaire. Et ça, c'est très nouveau. Ça commence avec la Première Guerre mondiale, après ça se ralentit un peu dans l'entre-deux-guerres, et puis ça revient en force avec l'expérience de la France libre et du gaullisme. Auparavant, l'idéal républicain était plutôt de mettre à distance le pouvoir militaire, bien de sûr. Séparer le civil du militaire. En gros, en cas de guerre, on a un généralissime, on lui confie les clés de la guerre, il est général, il est supposé savoir ce qu'il fait, et il va gagner la guerre en 6 mois, ou la perdre en 6 mois ou un an. Problème, la guerre dure 4 ans, l'opinion publique pousse derrière, le Parlement joue un rôle essentiel pour faire remonter les critiques venues des poilus jusqu'au Parlement, pour critiquer les offensives meurtrières, l'offensive d'avril 17, le chemin des dames, etc. Donc on a tout un système qui a permis ce changement. Ce qui est tout à fait passionnant dans votre livre, c'est que on a une sorte de généalogie de ce que nous connaissons. C'est-à-dire que souvent, la Ve République, avec évidemment l'élection du président au suffrage universel, etc., apparaît comme une sorte de disons, d'exception, quelque chose qui vient de surgir comme ça au tout début des années 60 à la faveur de la guerre d'Algérie. Vous remettez cela dans une très longue durée, une durée d'au moins un siècle, et vous nous dites non, c'est une évolution qui conduit justement à la création de la République que nous connaissons, Nicolas Rousselier. Oui, exactement. C'était ça le projet du livre. Tout à l'heure, je parlais d'histoire, à prendre au pied de la lettre. C'est une longue histoire. Et le fait que, en 1958 jusqu'en 62-65, il y ait effectivement la création d'une Ve République qui apporte des choses nouvelles avec l'élection du président. Mais en dehors de l'élection du président, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Par exemple, ce que j'appelle dans le livre le modèle Matignon, c'est-à-dire une force du gouvernement, une force organisationnelle à Matignon, est apparue déjà depuis 30 ans avant 58. Les changements, les remembrements liés à la place du militaire à l'intérieur du civil datent de la Première Guerre mondiale. Donc il y a des phénomènes de longue durée, souterrains, qui finalement apparaissent peu dans les histoires traditionnelles qui sont du style droit constitutionnel, parce que quand on fait du droit constitutionnel, en gros, on fait l'exégèse, l'analyse, le commentaire des textes de constitution. Et on essaye de penser que les mots de la constitution, ensuite, donnent des faits. Moi, disons, en historien, j'essaye de voir des phénomènes continus. Et puis, dites-nous un petit mot, par exemple, sur ce qui rebute tous les étudiants en droit, quelle que soit leur année, c'est-à-dire le droit administratif. Il y en a certains qui aiment ça, mais ils sont très peu nombreux. Et de l'importance de la création de ce droit administratif qui ne ressortit pas du jugement des tribunaux ordinaires pour la constitution, justement, progressive de ce pouvoir exécutif en France au cours du XXe siècle. Ça, c'est aussi passionnant chez vous, ça. Oui, en fait, le droit administratif s'est développé en France et précisément, c'est un moyen souterrain de réhabilitation de l'exécutif en ce sens que le droit administratif qui défend et valorise l'usage par le gouvernement d'outils de décision qui ne passent pas par le Parlement. Pour parler plus simplement, c'est les décrets, les règlements d'administration publique, le pouvoir réglementaire. Ce pouvoir réglementaire, le droit administratif va le valoriser, lui donner des lettres de noblesse. Pourquoi ? Parce que tous ces textes sont susceptibles de contentieux. On peut les attaquer dans les tribunaux administratifs. Et comme ils sont susceptibles de contentieux, ils développent une sorte de supériorité juridique par rapport à la loi. La loi, elle, évidemment, ne peut pas être retoquée. Il n'y a pas de conseil constitutionnel à l'époque. Donc, progressivement, les outils de l'exécutif deviennent plus valorisés en termes juridiques que ne l'était la loi. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit à partir des années 20 et 30 ? On voit un gouvernement qui utilise les décrets-lois, qui sont en fait des décrets, donc des instruments purement exécutifs qui contournent et finalement qui arrivent à abaisser le Parlement dès les années 20 et les années 30. Alors on l'aura compris, toute personne qui s'intéresse à l'évolution de la politique en France depuis le 19e siècle, mais aussi à l'évolution des institutions, et pas simplement les institutions puisque vous y faites entrer les hommes qui fabriquent les lois, les hommes qui les contestent également, eh bien a intérêt à lire La force de gouverner, Nicolas Rousselier, Le pouvoir exécutif en France 19e, 21e siècle dans la collection NRF, et c'est chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Chef de bataillon Bonaparte. N'êtes pas sans savoir dans quelle situation difficile nous nous trouvons. Or, nous avons reçu de Paris des instructions qui vous concernent. Avez-vous une idée, une opinion ? J'ai même un plan. Déjà ? J'estime qu'il faut placer cette nuit même une batterie sous la hauteur de la Garenne. Singulière idée ! Je ne la crois pas mauvaise. Ayant pour objectif la prise du fort de Magrave et celle du fort de l'Aiguillette. Oh, jeune homme, vous allez un peu vite en besogne. Il ne m'apparaît pas qu'il y ait du temps à perdre. Il faut qu'avant 6 semaines, j'ai ici plus de 100 canons. Ah, oh, et puis vous me laissez faire. Vous êtes peintre, mon général. Fature morte. Mais je vous en conjure, laissez-moi travailler. Vous vous êtes déjà battu ? Non, pas encore. Mais je sais qu'il n'y a pas de victoire possible sans unité de commandement. Nous vous donnons le commandement. Soyez heureux. Vous aurez vos canons. Et déjà, vous avez notre confiance. Jeune homme, je vous invite à dîner ce soir. Il y aura de la cervelle. Un extrait du Napoléon de Sacha Guitry pour donc la deuxième partie de cette émission et l'entretien que nous avons avec Hervé Dumont. Bonjour Hervé Dumont. Oui, bonjour. Et avec Victor Massel-Lépiné qui m'accompagne ici en studio à Paris. Vous êtes en studio depuis les studios de Radio Suisse Romande à Lausanne. Vous avez longtemps dirigé la Cinémathèque Suisse de 1996 à 2008 et vous publiez une grosse somme, pourrait-on dire, qui s'appelle donc Napoléon, l'épopée en 1000 films. Et on a mis ce petit extrait parce qu'on sait que vous êtes particulièrement tendre vis-à-vis de Sacha Guitry, Hervé Dumont. C'est vrai que le film a été très attaqué à l'époque, je pense qu'il faut le réhabiliter. Oui, qu'est-ce que vous pensez justement de cette façon de faire de l'histoire qu'avait Sacha Guitry? Nous sommes dans une semaine consacrée justement à la question des représentations, de la façon dont le public s'empare de l'histoire telle qu'elle est faite par les historiens sérieux. Et on a souvent considéré Sacha Guitry comme une sorte de fantaisie, c'était des fantaisies historiques, aussi bien si Versailles ne m'était compté que le Napoléon. C'est vrai que Sacha Guitry est d'abord Sacha Guitry et ensuite peut-être historien, c'est un amoureux de l'histoire de France, mais il a un regard qui ne manque pas de subtilité, et ses films sont beaucoup plus ambigus qu'ils ne paraissent à première vue. Oui, vous critiquez les critiquaillons qui ont mal aimé Guitry, oui, pas très sympathique, vous aimez bien taper sur ces gens-là. Vous parlez de l'insolente fantaisie de Guitry à propos de ce Napoléon, et donc vous n'aimez pas beaucoup ceux qui l'ont mis de côté. Il est vrai qu'on pardonne tout à Belgance, qui a fait un Napoléon complètement fantaisiste, mais on ne le pardonne pas à Guitry, donc il faut être conséquent. On voit bien dans votre livre qui fait cette recension de plus de 1000 films et séries télévisées autour de Napoléon que vous tentez d'être conséquent. Victor Massé de l'Épinay. Oui, bonjour Hervé Dumont. Ce qui est intéressant, c'est que ce nombre très, très important, 1000 films, permet en fait de faire des statistiques qui commencent à être significatives, si on veut. On peut s'intéresser par exemple au pourcentage de films français, anglais, italiens, hollywoodiens, au pourcentage de films qui traitent telle ou telle période. Quels sont pour vous, dans ces 1000 films, les rapports statistiques, je dirais, qui vous ont le plus intéressé ? Plutôt pour les films qui sont relativement ou même totalement inédits en France. Par exemple, si vous prenez l'histoire d'Espagne, le cinéma espagnol a traité la campagne d'Espagne, il y a environ 120 films. 120 films. Ils doivent pas être très sympathiques pour Napoléon, j'imagine. Alors c'est intéressant évidemment parce que le regard se modifie au fil des décennies. Sur ces 120 films, je pense qu'il y a 90% qui ne sont jamais sortis de l'Espagne. Et évidemment, la partie la plus intéressante concerne évidemment Franco. Parce que on constate que les premiers films qui s'attaquent, disons, à la Grande Armée et à Napoléon, on voit aussi Napoléon quelquefois à l'écran, coïncident avec l'isolation, ou plutôt l'isolement de l'Espagne franquiste en 1945, avec la France qui s'oppose à l'incorporation de l'Espagne au plan Marshall et à l'OTAN. Donc il y a là, si vous voulez, un contentieux qui se dessine, et l'Espagne qui survit grâce à l'aide économique de l'Argentine. Mm-hmm. Et puis peu à peu, au fil des années, autour de 53, il y a le concordat avec le Vatican qui fait qu'on est bien forcé d'accepter l'Espagne, disons, dans le concert des nations, en particulier sur fond de guerre froide. Il y a le traité d'assistance militaire avec les États-Unis qui se dessine. Et puis, le pays s'ouvre au tourisme. Par conséquent, l'image du français va devenir plus subtile. La France va, disons, on va tenter d'expliquer aussi le point de vue français. Et de la République et de l'Empire, français bien sûr, et vers la fin des années 50, début des années 60, quand le régime, disons, franquiste faiblit un peu en ce qui concerne la censure et le contrôle général, il y a des films espagnols qui carrément disent nous avons commis de grosses erreurs, nous avons pas vu ce qui nous est tombé dessus. Il est vrai que avec Ferdinand VII, il a rogé la constitution de Cadix, il a réintroduit l'inquisition, donc tout le toute la situation devient beaucoup plus intéressante. Oui, alors il y a aussi un chapitre, le chapitre 11, que vous consacrez à une question très importante, Napoléon et le réveil de l'Allemagne. Vous y développez l'idée qu'effectivement, eh bien, la production cinématographique allemande n'a pas laissé de côté, loin de là, la figure de Napoléon et de la période napoléonienne, aussi bien d'ailleurs pendant la République de Weimar, mais surtout pendant la période nazie, et même après, puisqu'évidemment, Kaspar Hauser ou d'autres films comme ceux-ci sont chroniqués dans votre livre « Napoléon, l'épopée en 1000 films », Hervé Dumont. Oui, alors pour l'Allemagne, évidemment, c'est d'une part, ce qui personnellement m'a intéressé, c'est d'abord la production jusqu'en 1914, où un petit peu tous les pays européens font apparaître Napoléon dans une lumière passablement, disons, belliciste, revancharde, évidemment, il y a l'Alsace-Lorraine, etc., qui joue un rôle. Et puis, à partir de 1918, les Allemands, évidemment, projettent dans l'occupation de la Prusse, parce que c'est essentiellement la Prusse et moins l'Allemagne qui est en jeu. On projette, si vous voulez, les frustrations de l'occupation de la Ruhr, la perte de la guerre, bien sûr, la perte de l'Alsace, une fois de plus, de Lorraine, le traité de Versailles, et on va essentiellement, ça va durer sur, au fait, pendant tout le Troisième Reich, et la République de Weimar d'abord, on va montrer un peu l'humiliation de la Prusse en 1806, le traité de Tilsit, la reine martyre, reine Louise de Prusse, etc. Ce qui m'a, en revanche, toujours très étonné, c'est que dans cette quarantaine de films qui parlent toujours de la résistance contre l'occupant, jamais on ne va aborder la bataille de Leipzig de 1813 qui a au fait chassé littéralement Napoléon du restant de l'Europe, qui l'a forcé à retourner sur le territoire français. Et au fait, l'explication est très très simple. C'est que la bataille de Leipzig, qui s'est faite à 1-3, était surtout menée par les Russes, par les Autrichiens et les Suédois, et accessoirement aussi un peu de Prussiens. Donc, C'est ce que vous expliquez bien dans votre livre, Hervé Dumont, c'est combien les conditions de fabrication des films et la période dans laquelle ils sont fabriqués et l'endroit d'où ils viennent correspondent évidemment à une vision particulière que l'on peut donner de l'épopée napoléonienne. Ce n'est jamais une épopée neutre, bien évidemment. Ça correspond au moment où on filme, à l'endroit où on filme les films, en l'occurrence. Oui, tout à fait. On a affaire à une guerre des regards. Il s'agissait au fait de faire dialoguer trois histoires différentes. L'histoire du Premier Empire, l'histoire de notre temps, de notre époque, du XXe siècle et du XXIe, et puis l'histoire du Septième Art. Hein, de créer là une espèce de renvoi, de jeu de miroir qui me semble extrêmement révélateur. Victor Massé de l'Épinay. Hervé Dumont, on comprend que tous les pays européens aient un regard passionné sur Napoléon. Est-ce qu'Hollywood a un regard plus dépassionné ou plus neutre ou plus objectif peut-être ? Oh non, Hollywood a surtout abordé Napoléon du côté sentimental parce que oui. Les amours de Napoléon sont plus intéressants pour le tiroir caisse, il faut quand même dire. Mais il y a certains films où on peut retrouver des relents de guerre froide. Je pensais notamment au fameux Désiré de 1954. Avec Marlon Brando. Avec Marlon Brando, qui, je dois avouer, à revoir le film, est tout à fait remarquable et d'une ressemblance frappante et un jeu beaucoup plus subtil qui n'y paraît aussi très nuancé de l'intérieur. Mais cela dit, il est présenté évidemment comme un affreux révolutionnaire qui veut conquérir le monde, ce qui est évidemment imbécile pour Napoléon, mais très très loin des démocrates américains de l'époque en l'occurrence. Et évidemment, on se rappelle qu'il a évidemment on pense à Moscou. On pense aux communistes, on pense à la chasse aux sorcières. Hervé Dumont, sur les 1000 films que vous recensez, il y en a seulement 390, je crois, qui montrent véritablement à l'écran le visage de l'empereur. Donc tous les autres, ils parlent de l'épopée napoléonienne, de l'histoire de l'Empire. Les films sur Napoléon, c'est aussi des films souvent de batailles. Alors est-ce que ces batailles, la façon dont ces batailles ont été montrées à l'écran a évolué ? On imagine bien sûr que ça a évolué à cause de la technique, mais est-ce que le regard des cinéastes sur les batailles nous dit quelque chose de cette façon dont les cinéastes ont vu l'histoire napoléonienne ? Oui et non. Effectivement, jusqu'au début de l'an 2000, au fait, on n'utilisait pas encore la technique digitale. Donc, évidemment, recréer des batailles était une affaire de gros sous. Et de ce point de vue-là, il est certain que Bondarchuk, Sergei Bondarchuk, le cinéaste russe et soviétique d'abord, a battu tous les records. Avec Rod Steiger, c'est ça qui est dans le rôle. Voilà, je pense, évidemment, d'abord on pense à Guerre et Paix, mais au fait, bien mieux, avec le fameux Waterloo de 1970, qui pour moi est le sommet absolu de, disons, de la récréation de bataille. Je ne pense pas que Kubrick, s'il avait pu tourner le film, aurait fait mieux. Oui, parce que Bondarchuk, ça a été un échec retentissant. Effectivement, et qui a entraîné au fait la chute du projet de Kubrick aussi. Les producteurs ont eu peur. Qu'est-ce qu'a changé la télévision dans la façon de tourner sur Napoléon, puisque vous évoquez cela dans votre livre, Hervé Dumont? Il n'y a pas simplement les films grands spectacles dont on vient de parler, aussi bien ceux de Guitry que de Bondarchuk ou d'autres, mais en l'occurrence la télévision arrive, et est-ce que ça change la manière, le récit, pourrait-on dire, que l'on donne à voir de l'épopée napoléonienne? Eh bien, d'une part, si vous regardez les films qui essayent de reconstituer la totalité de la carrière de Bonaparte, il n'en a pas beaucoup. Finalement, je n'en connais, pour le grand écran, il n'y a que le Guitry et puis les tout tout premiers films qui ne duraient guère plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. Oui, parce qu'il faut rappeler que Gans, par exemple, c'est un film qui aurait dû se tourner en 7 épisodes, avec 7 films, et qu'il n'y en a qu'un. Il n'existe qu'un premier. Oui. Voilà, exactement. Donc, les films qu'on appellera diachroniques, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. Par conséquent, la télévision, oui, peut se permettre effectivement une vie de Napoléon en plusieurs chapitres, ce qui s'est fait par exemple avec le film avec Clavier. Mais c'est des cas uniques. La télévision a cet autre avantage, c'est qu'elle va se pencher sur les personnages autour de Napoléon. Mmh. Et puis essayer d'expliquer tantôt les manœuvres, tantôt la politique qui est derrière, tantôt le climat général. Ce que j'essaye toujours d'expliquer, c'est que le livre ne concerne pas simplement le personnage de Napoléon, mais son époque, son entourage, ses adversaires, toute l'Europe. Le titre de travail de mon ouvrage, c'était « Napoléon et l'Europe ». Et il s'agit de montrer comment le cinéma a européanisé ou a jeté de nouveau une lumière continentale sur le personnage. Oui, il y avait... Excusez-moi, je vous ai coupé, continuez. Oui, oui. Non, il lui a redonné justement une dimension européenne d'abord, et mondiale ensuite, puisqu'il y a des films et des feuilletons mexicains, argentins, ouais, brésiliens, canadiens, égyptiens, syriens, etc. Là aussi, une grande partie tout à fait inédite en France. Il y avait eu il y a quelques années à Bonn une très belle exposition qui s'appelait Traum und Trauma, qui racontait, exactement, l'impact qu'avait eu Napoléon pour toute l'Europe centrale et orientale. À la fois, oui, donc ça s'appelait le rêve et le cauchemar, pourrait-on dire, enfin quelque chose qui ressemblait à cela. Moi, je ne suis pas germaniste, mais ça, c'était le thème plus ou moins de cette exposition. C'est un peu ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a le Napoléon Boucher d'un côté, et puis il y a le Napoléon qui apporte le code civil, certaines libertés dans certaines régions de l'Europe centrale, et qui reste encore dans la mémoire des cinéastes assez présent. Tout à fait, pas seulement dans la mémoire des cinéastes, mais du public lui-même. Cela dit, cette exposition qui s'appelait aussi en Allemagne « Napoléon dans Europa », qui a été reprise par les Invalides à Paris, « Napoléon et l'Europe », mon livre se voulait un petit peu l'illustration à travers l'audiovisuel de cette exposition-là. C'est le point de départ, si vous voulez. Donc montrer Napoléon Boucher façon de parler, parce que finalement il n'est pas seul responsable de toutes ces guerres, cette coalition contre lui en tout état. Oula, mais vous savez que j'ai des auditeurs qui m'ont averti, qui m'ont dit avant de commencer sur les réseaux sociaux, ne faites pas un éloge de Napoléon, sinon on va taper dessus. Il est toujours très mal vu de dire qu'il n'est pas un boucher en l'occurrence. Oui, je sais bien. Et j'ai commencé mon introduction en disant très clairement que ce livre n'est pas né d'une d'une admiration aveugle pour Napoléon Bonaparte, mais enfin, il faut quand même remettre les choses, les points sur les i, et bien montrer qui a commencé quoi, sans blanchir nullement Napoléon, mais enfin quand même en lui rendant aussi ses mérites. On pourrait lui consacrer à un autre personnage historique autant de films, selon vous, d'origine aussi lointaine, différente, sur une aussi longue durée? Non, c'est ça qui est très curieux, c'est qu'on pensait d'abord, oui, on penserait que le Christ, par exemple... Oui, mais c'est difficile de représenter le Christ au cinéma. Oui, ça d'une part, mais enfin... Ils ont essayé, mais... Oui, c'est vrai. Mais bon, prenons le Christ et son époque, il y a environ 400 films, contre les 1000. Ouais. Prenons Jeanne d'Arc, il y a une centaine de films, au maximum. Cinéma et télévision, toujours compris. Hein. Hitler, peut-être, non? Non, jamais. Jamais? Jamais. Jamais autant. Non. Victor Massé de Lépinay. Est-ce qu'il y a encore, à votre avis, Hervé Dumont, un grand film qui reste à faire, que vous attendriez, peut-être sur un chapitre de la vie de Napoléon qui n'a encore jamais été porté à l'écran, puisqu'il y en a, d'après vous, ou bien peut-être sur un film qui prendrait en compte les derniers travaux historiques ou historiographiques? Oui, disons, moi j'aimerais bien voir à l'écran une fois un aperçu du travail, disons, civil, organisationnel, Napoléon, son œuvre révolutionnaire, loin des champs de bataille. Mais ça, évidemment, c'est moins spectaculaire que, que la bataille de Waterloo, de Stalin. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Cela dit, pour narrer une vie aussi mouvementée que celle de Napoléon, tout en tenant compte de sa personnalité secrète, si souvent cachée derrière sa représentation, parce que finalement, c'est ça qui m'intéressait, c'est non pas le personnage lui-même qui reste un personnage à facettes assez énigmatique, mais la représentation d'une part qui s'est fabriquée lui-même et ensuite la représentation de la représentation par les caméras. Le cadre de mise en historique. Exactement, le cadre historique est déjà très compliqué dans lequel il se déploie. Au fait, il faudrait un créateur qui ait un sens épique. Il faudrait Kubrick, mais Kubrick n'est plus là, c'est ça. Mais est-ce que Spielberg... Il y a une maturité. Est-ce que Spielberg peut être celui-là? Je ne sais pas. J'ai lu le scénario qui a été publié de Kubrick, le fameux projet avorté entre 67 et 71. Mais à le découvrir, on peut se demander si cet immense cinéaste américain, on est bien d'accord, n'y aurait pas projeté uniquement ses propres fantasmes. Ils sont très éloignés du personnage qu'il a tellement fasciné. Merci. Mais il est vrai que Spielberg, paraît-il, préparerait une série sur Napoléon d'après le scénario de Kubrick. Merci donc Hervé Dumont. Je rappelle que votre livre, gros livre, c'est édité aux éditions Ides et Calanques, coédité par la Cinémathèque Suisse. Ça s'appelle Napoléon, l'épopée en 1000 films et c'est préfacé par Jean Tullard. Une bonne manière d'introduire le documentaire de mercredi que vous avez concocté, Victor Massé de Lépinay, avec Séverine Cassard, et qui traite des reconstitueurs, c'est ça? Oui, et c'est vrai que s'il y a des gens qui doivent observer tous ces films sur Napoléon avec un œil particulièrement attentif, c'est bien les reconstitueurs qu'on a rencontrés à Waterloo au milieu du mois de juin. Puisque, bon, il y a toutes sortes de reconstitueurs, il y a des passionnés de l'empereur, il y en a qui ne le sont pas. En tout cas, beaucoup de ceux qu'on a vus sont des savants, quelquefois très pointus. Spécialistes des boutons de guêtre. Hein. Spécialistes des boutons, spécialistes des manœuvres, spécialistes des couleurs, spécialistes de toutes sortes de choses. Et en tout cas, voilà, on les a rencontrés au milieu du mois de juin pour cette grande reconstitution qui avait lieu, la plus grande sans doute jamais organisée en Europe. 6000 reconstitueurs qui étaient là. Et nous nous sommes promenés pendant les jours qui ont précédé les reconstitutions dans les bivouacs, puisque les reconstitueurs arrivaient du monde entier, s'installaient et puis menaient la vie de campagne. Et on s'est intéressé à ça, voilà. Ouais, on va écouter ça mercredi, un petit extrait, et puis ensuite on parlera aussi du documentaire de mardi, puisque nous avons fait une sorte de tir croisé, puisque nous avons aussi assisté, dans un autre documentaire qui passera demain, à la reconstitution de la bataille de Marignan. Nous jouons aussi l'admiration pour l'empereur. On s'amuse à dire vive l'empereur. Vous l'entendrez très souvent pendant la bataille. Tout simplement parce qu'on se donne du courage, comme le faisaient les gens de l'époque. Mais pour être reconstitueur, il faut quand même être un petit peu admiratif quand même. De toute façon, objectivement parlant, il y a de quoi être admiratif de l'œuvre de cet homme. Non, moi je crie pas vive l'empereur. Je ne suis pas du tout idolâtre. Non, je trouve ça d'un ridicule. je n'admire pas l'empereur, déjà. Je suis un passionné d'histoire, moi c'est l'histoire de l'homme qui m'intéresse. Mais les emplumés, non, on les connaît trop bien. Et puis je trouve qu'il y a quand même une telle prétention à jouer des rôles de personnages connus, sauf peut-être Napoléon, parce que Franck Sanson le fait très bien. Mais des gars qui prétendent revivre Murat, tous des grands noms comme ça, je trouve ça d'une telle prétention. Je dis non, on était des obscurs. C'est les plus intéressants, c'est eux qui ont fait l'histoire. On dit toujours que Napoléon a gagné les batailles avec les jambes de ses soldats. Voilà donc un petit extrait du documentaire qu'on écoutera mercredi, exceptionnellement un documentaire le mercredi dans la Fabrique de l'Histoire, signé par vous, Victor Massé de l'Épinay et Séverine Cassard. Et tout de suite, un autre extrait du documentaire qu'on écoutera demain dans notre thème « Quand le public s'empare de l'Histoire ». On appelle cela les reconstitueurs chez vous et on les appelle les reconstituteurs quand on va faire une reconstitution de la reconstitution de la bataille de Marignan. C'est une sorte de mise en abîme là encore, puisqu'il s'agit de reconstituer les commémorations de la bataille de Marignan qui avait été organisé par Léonard de Vinci pour François Ier à Amboise. Vous allez la porter, cette armure ? Oui, c'est la mienne. C'est une armure complète. Ça, c'est le torse. Le physique vraiment d'un chevalier de la Renaissance. En fait, ce sont des physiques de danseurs, petits mais musclés. Et moi, j'adore. Pour moi, c'est le nec plus ultra des armures et celle qu'on fait à Milan. Au tournant des années 1500-1510, vraiment, c'est tout à fait magnifique. Ainsi, toute la durée des fêtes n'était qu'un prétexte pour attendre le simulacre de bataille qui devait clore ces journées. Pour rendre le spectacle lisible et attrayant, sans qu'il y ait quelqu'un qui, au micro, disait « Maintenant, vous allez voir les lansquenets », ce qui fait un petit peu trop fort à la saucisse, j'ai dû faire appel à un excellent metteur en scène, Jean-Louis Dumont, qui a écrit un texte à partir des sources historiques que nous avons découvertes, les sources comptables, les sources des ambassadeurs. Ensuite, il a fallu beaucoup travailler sur le Codex Médicis lui-même et puis sur toutes les musiques des franco-flamands du temps. Je pense notamment à Josquin des Prés. Une des entrées du roi, par exemple, est rythmée par le « Vive le roué » qui est un des airs très connus de Josquin. Et ça aussi, c'est un énorme travail. Il n'y a pas de retour ici, on n'entend rien de ce que tu racontes, Sandro. À la reconstitution de la reconstitution donc de Marignan, en l'occurrence c'était cet été, au mois de juillet, et elle a été suivie pour le documentaire de demain par Olivier Chaumel et Anne Fleury. Et enfin jeudi, dans cette semaine quand le public s'empare de l'histoire, nous parlerons de ce qu'on appelle la public history ou encore l'histoire publique. En gros, la façon dont chacun d'entre nous vit avec ses histoires, son histoire, ses anecdotes historiques et comment aujourd'hui les historiens travaillent sur ce sujet, puisque j'étais moi-même vendredi et samedi à un colloque qui a duré 3 jours autour de ce thème-là et qu'il y aura bientôt la constitution, ça a commencé d'ailleurs, d'un master d'histoire publique qui vient d'être le premier créé en France sur ce thème. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Nous avions avec nous Clément Daté à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission pendant laquelle nous avons parlé de La force de gouverner de Nicolas Rousselier paru chez Gallimard et de Napoléon l'épopée en mille films paru chez Ides et Calanques, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. À demain.